Notre thérapie, c'est le rire, c'est l'humeur, c'est Guillermo Guise. Ah oui. Bonjour les amis. Salut. Ça va toi? Alors j'ai beaucoup pensé au suicide pendant cette semaine de vacances. Ah, ouais, ouais. Ah bon, l'équipe t'a manqué tant que ça? Ouais, ouais. Lol. Et vous allez me dire, ben non, te suicide pas, tu fais partie de la team maintenant. C'est pas parce que t'as eu un petit passage à vide d'un an dans cette émission que t'as démissionné par mort violente. T'inquiète pas, tu vas finir par réécrire une bonne chronique à l'occasion. Prends un co-auteur ou bêtement du speed. T'as pas le numéro du dealer de Leila? Ça va pas. Pourquoi moi? Pourquoi Alors mais bon, parce que moi je lui ai défendu. Ça arrive sur la drogue. Exactement. Voilà, c'est complexe. Ce qu'il y a, c'est que l'automne en soi, déjà, ça donne envie de crever dans un puits de pétrole. Mais l'automne loin de chez moi, putain, mais ça, les gens me font dire oui, attends, je te rappelle que t'as la chance d'être à Paris, quoi, putain, Paris, le PSG, quoi, s'il te plaît, la ville lumière. Ouais, la ville lumière, ok, sauf que là on est en novembre, tu vois, la ville lumière c'est jusqu'à 16h30, après c'est le Mordor, hein, comme à Düsseldorf. Et puis Paris, très bien, mais moi c'est pas que je vis dans le Marais ou à Pigalle ou à Répu. Hein. Pourquoi non. Tu me regardes? Moi je vis pas à Répu, non, moi je vis à Coque de Téléphone. Il y a 60 magasins de Coque de Téléphone dans ma ville. Ça. Là, j'en suis arrivé qu'on me vole la mienne juste pour pouvoir me faire un copain dans le quartier, quoi. Il y a un petit bar sympa au bas de mon immeuble, hein, les gens sont chouettes et tout, mais là j'ai fait le tour de leurs anecdotes sur la guerre en Tchétchénie. Il est marrant au velours, mais il est marrant en 2 secondes, quoi. Et moi je reviens de Syrie que des lopettes, et moi j'ai perdu 2 doigts dans un kidnapping, et moi je rêve encore de l'odeur du sang, pas vous les gars? Et on a sympathisé et tout, mais bon, je leur dis que je connais pas la guerre, mais que je bosse avec Daniel Morin. Avec niveau hygiène, on est pas loin du charnier. Mais je sens bien qu'ils m'écoutent que d'une oreille, les soldats, c'est une caste à part. Pas vrai, maréchal? Alors, affirmatif. On est bien d'accord. Non, vraiment, travailler loin de chez soi, déraciner, c'est dur, quoi. J'en parle encore récemment avec Neymar. Qui trouvait que je manquais un peu de caractère, évidemment. Mais bon, évidemment, c'est facile pour Neymar. Il est sociable. Moi, socialement, j'ai une vie de moissonneuse batteuse. Quoi. Vraiment, ce week-end, après le spectacle, je me dis, allez, soyons fous, je vais aller manger seul au restaurant. Yeah, seul au resto, comme un veuf. Et en même temps, comme un veuf. En même temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai peut-être personne à qui parler, mais je suis pas à l'abri d'une bonne cuisson. Hein. Ça va, au pire, je fais comme un copain avec le bar de ligne. Yeah. Alors, j'arrive devant le resto et tout, en chemise et tout. Hein. Putain, le videur, il me refuse l'entrée d'un resto. Putain, c'est quoi cette ville? À Bruxelles, t'arrives en chemise dans un resto, tu deviens actionnaire, quoi, vraiment. Et du coup, voilà, j'ai fini seul au McDo de la gare de l'Est à 23h, habillé pour coucher, à manger des cheeseburgers froids, le cheddar, je vous jure, c'était de la bakélite. Franchement, il y avait moyen de jouer aux dames dessus, vraiment. Sur la table du McDo, il y avait des restes de famille qui avaient mangé en 2001. Il restait encore des poils du kiki du petit dernier dans le ketchup séché. C'était glauque, on aurait dit l'historique internet de Nagui, quoi, vraiment. Salaud. C'est vrai, les frères Dardenne ont entendu parler de cette histoire, ils veulent faire un documentaire sur ma vie, quoi, vraiment. Ma ville, elle me manque, quoi. Bruxelles, c'est la classe, vraiment, ouais. On critique parce que ça sent la pisse, ok. Mais en attendant, c'est quand même à Bruxelles que le gouvernement catalan s'est installé, quoi, ça va, alors que tout le monde fait un foin de Barcelone, parce que Barcelone ceci, Barcelone c'est ça, mais ils sont tous à Bruxelles, c'est vrai ou pas? Moi j'ai le mal du pays. J'ai plus goût à rien. Tu me mets Penelope Cruz à poil devant moi, je regarde Secret d'Histoire, quoi, vraiment. J'ai plus de libido, je suis à 2 doigts de mettre mon sgeg sur le bon coin, vraiment. J'arrive même plus à me masturber, mon sang il me fait, ah non, c'est trop triste, moi je me déplace pas dans les conditions pareilles, vraiment, ça va. Sérieux, je me donne 3 semaines pour arrêter ma carrière et rentrer chez moi, vraiment. Et là, les auditeurs d'Inter qui font, mais pourquoi toujours remettre au lendemain? Fonce, Guillermo, fonce. Non, mais c'est vrai, à quoi bon tout ça? Ce qui m'a aidé, c'est que je viens de lire Homo Deus de Yuval Noah Harari, qui est un peu à la joie de vivre, ce que Radiohead est à la joie de chanter. Omar Sy l'a lu, depuis il traîne avec Michel Houellebecq. Donc, dans ce livre, et par ailleurs formidable, Harari écrit: l'univers ne signifie rien. Au cours de notre séjour d'une brièveté infinitésimale sur notre petit grain de planète, nous nous tourmentons, nous pavanons de ci, de là, et puis on n'entend plus parler de nous. Merci Yuval. Ça doit être chouette de passer un réveillon avec toi. Vraiment. C'est quoi encore le numéro de votre dealer, Leila? D'accord, bonne émission, les amis. Ah oui. Merci Guillaume. Bravo.